L'auberge du monde par Hector Malot. Première partie, le colonel Chamberlain. Chapitre 1er. La cour d'honneur du grand hôtel était pleine de mouvements et de tapages. Les voitures entraient, sortaient, se suivant sans interruption et s'enchevêtrant parfois dans un désordre qui, s'il donnait aux étrangers une assez mauvaise idée de l'habileté de main des cochers parisiens, montrait au moins que pour la langue, ils étaient prompts à l'attaque et à la riposte. Aux fiacres chargés de bagages, aux voitures de place plus ou moins dépenaillées, aux omnibus de chemin de fer, succédaient des calèches de grande remise, correctement attelées, conduites par de majestueux cochers, qui s'arrêtaient devant le perron pour y déposer des femmes et des jeunes filles en toilette de promenade ou de visite. Sur la terrasse de ce perron, à l'ombre de quelques dattiers cultivés dans des bacs, se tenait une double rangée de spectateurs qui, assis sur des chaises ou appuyés sur le balustre, regardaient curieusement ce spectacle mouvementé. Dans ce public ainsi rassemblé en cet espace resserré, se trouvaient des représentants de toutes les nationalités du monde. Des Anglaises roides, importantes, installées là comme partout où elles s'établissent pour un jour ou pour une année, c'est-à-dire en maîtresses qui sont chez elles, de par la toute-puissance de l'argent. Des Allemandes, grandes, grosses, larges, le visage ouvert par un rire voulu, habillées de vêtements qui semblaient ne pas tenir sur elles. Des Américaines, fines, délicates, ravissantes, malgré leur pâleur inquiétante. Des Espagnols, aux prunelles mobiles et habiles, qui lançaient des éclairs de tous côtés. Des Turcs, coiffés du fez rouge. Des Péruviens ou des Brésiliens, au teint jaune, les doigts cerclés de pierreries. Des Africains, à la tête crépue. Des Chinois à la tête pelée. Tous ces gens, qui se touchaient les coudes, regardaient devant eux sans se dire un seul mot, comme des muets ou comme des sourds. De temps en temps, une femme se haussait jusqu'à l'oreille de son mari, une fille se penchait dans le cou de sa mère, et rapidement, à voix étouffée, on échangeait une observation sur la toilette, la tenue, la beauté ou la laideur de ceux qui défilaient devant cette galerie. Devant les tables du café, il y avait aussi foule, et en écoutant durant quelques instants les appels des consommateurs, on pouvait avoir une idée des façons multiples dont est susceptible la prononciation du mot « garçon », selon qu'il sort d'une bouche européenne, américaine ou asiatique. À l'une de ces tables, la mieux placée pour voir tout ce qui se passait dans la cour, aussi bien sur le perron qu'à la porte du télégraphe, du bureau de réception des voyageurs et de la caisse, se tenait un jeune homme que tout Parisien, même sans être un observateur bien sagace, devait reconnaître immédiatement pour un compatriote. Étendu sur deux chaises, les mains dans les poches, la tête légèrement renversée en arrière, il promenait autour de lui un regard circulaire qui cherchait à tout voir et à tout embrasser, allant rapidement des bagages qu'on déchargeait au groupe du perron et de ses voisins de table aux voyageurs qui piétinaient impatiemment sur place en attendant leur voiture. Que cherchait-il? Qu'étudiait-il? Le certain, c'est qu'il se servait de ses yeux d'une façon alerte, un homme qui sait regarder et à qui rien n'échappe. Tout à coup, ses yeux, toujours en mouvement, s'arrêtèrent sur la porte de la caisse où venait de paraître, s'entretenant avec un employé de l'hôtel, un gentleman qui portait sa nationalité de citoyen des États-Unis écrite sur son visage allongé et son menton pointu. Aussitôt, abandonnant sa position horizontale et se dressant vivement, le jeune Parisien poussa un sifflement d'appel qui fit lever les yeux et tourner la tête à plus d'un de ses voisins. Mais paraissant se soucier fort peu qu'on l'observât ou qu'on ne l'observât pas, il continua ses coups de sifflet saccadés et pressés comme ceux d'une locomotive en détresse, jusqu'à ce que celui auquel il s'adressait eût tourné les yeux de son côté. Alors, il lui fit signe de la main de venir s'asseoir à sa table. D'un geste calme, l'Américain répondit qu'il viendrait quand son entretien serait terminé. Et de fait, presque aussitôt, il traversa en quelques enjambées la double chaussée de l'entrée. « Bonjour, Farnham, » dit le Parisien. « Bonjour, Méline, » répondit l'Américain en secouant la main qui lui était tendue. « Comment diable êtes-vous ici ?»« Pour mon métier, parbleu. L'assassinat affaibli. Pas de mariage dans le High Life. Pas de dîner dont on puisse publier le menu. La foudre fait relâche. Les chiens attendent les chaleurs pour devenir enragés. Pas de viol intéressant, pas d'incendie, pas d'explosion de fabrique de produits chimiques qui plonge des centaines d'infortunés dans la misère. C'est dégoûtant. Il faut bien se rabattre sur l'étranger à Paris. Parole d'honneur, si l'exposition universelle n'arrivait pas, il y a des jours où l'on n'aurait rien à se mettre sous la dent. Qu'est-ce que vous prenez? L'absinthe? Il est un peu tôt. Il n'est jamais trop tôt pour commencer. Seulement il est quelquefois trop tard pour finir. Tiens, c'est un mot. Le trouvez-vous drôle? Qui est drôle? Vous ne l'avez pas compris. Ça ne fait rien. Imprimé et mis dans la bouche d'un homme en vue, il fera son effet. D'ailleurs, mon métier n'est pas d'inventer des mots, mais de répéter ce que j'entends. Cela va bien, le reportage? Eh, mon cher, il n'y a plus que ça. Qu'est-ce qui s'intéresse à la politique aujourd'hui, 28 mars 1867? Personne. À quoi bon d'ailleurs? Où ça peut-il nous mener? À une révolution. Qui est-ce qui désire une révolution en France en ce moment? Réunissez 100 personnes, demandez-leur si elles veulent le renversement de l'Empire, vous n'en trouverez pas 10, vous n'en trouverez pas 5, qui vous répondront oui. On discute la loi sur la contrainte par corps au corps législatif en ce moment. Qui est-ce qui lit ça? Les créanciers, les débiteurs, et puis après, M. Guillaume Petit soutient que la contrainte par corps est inutile. M. Gorg, qu'elle est indispensable. Voilà vraiment de quoi passionner le public. Est-ce qu'il connaît M. Guillaume Petit? Est-ce qu'il n'a jamais entendu parler de M. Gorg? Il faut pourtant mettre quelque chose dans les journaux, si l'on veut pousser à la vente et soutenir l'abonnement. Quoi? Le roman? On n'en fait plus. Des variétés? Il n'y a que ceux qui les écrivent, qui les lisent. Reste le reportage et voilà sa force. Vous êtes pratique. Je m'en flatte. Littéraire, non. Pratique, oui. Un grand homme a dit « J'ai vu les mœurs de mon temps et j'écris cette histoire. » Moi, qui ne serai jamais un grand homme, je dis « J'ai vu le goût de mes compatriotes et j'écris ce qui pouvait lui plaire. » Voilà pourquoi vous me trouvez ici. De quoi se préoccupe-t-on présentement? De la grande exposition qui va ouvrir dans 3 jours, de l'entrée des étrangers dans Paris, de l'invasion des barbares. Vous venez voir si les barbares arrivent? Précisément. Et trouvez-vous qu'ils sont assez nombreux? Ça commence, mais j'attends mieux. Paris, rebâti, embelli, est désormais le lieu de rendez-vous de l'univers entier. Des 5 parties du monde, on doit y accourir pour y dépenser son argent, s'y amuser, y vivre. Où trouverez-vous, n'importe où en Europe, en Amérique, une ville qui, comme Paris, soit créée spécialement pour le plaisir? À Londres, on travaille et on s'ennuie. À Berlin, on parade et on joue avec des fusils à aiguilles. Vous autres, Américains, vous avez un mot assez caractéristique pour une de vos villes, Boston, je crois. Comment dites-vous? Que Boston est « the hub of the universe », c'est-à-dire le moyeu de l'univers. Eh bien, mon cher, nous autres Parisiens, qui sommes moins pompeux dans nos expressions, nous disons tout simplement que Paris est l'auberge du monde. Entrez, messieurs les étrangers. Que faut-il vous servir? On trouve à l'auberge du monde grands et petits appartements, le boire, le manger, et tous les divertissements moraux ou autres qu'on peut désirer. Chez nous, vous êtes chez vous. Commandez. Nous avons un personnel de 400 000 personnes, hommes et femmes, et quelles femmes, qui n'attendent qu'un signe pour aller au-devant de vos désirs. Vous comprenez, mon cher, que ce personnel, qui se prépare depuis plusieurs mois à recevoir cette invasion, est curieux de savoir si elle commence et dans quelles conditions elle se fait. Sont-ils bien affamés, les barbares? Combien sont-ils? 100, 500, 10 000, 100 000? Pour moi, j'ai annoncé avant-hier que j'avais rencontré 3 policiers prussiens en uniforme se promenant sur le boulevard, et ça a été la grande nouvelle du jour. Eh bien, j'ai une nouvelle à vous donner, si vous la voulez. Comment, si je la veux? Vite, vite! Le colonel Chamberlain sera à Paris le 10 avril. Ah, cela vous laisse froid. Dame, j'avoue que votre colonel Chamberlain m'est parfaitement inconnu. Arrive-t-il avec son régiment? Il arrive précédé d'une dépêche que nous venons de recevoir et que voici. American Bank, rue de la Paix, Paris. Veuillez me retenir, grand hôtel, appartement confortable, beau salon, une chambre maître, une chambre domestique, le tout premier étage, fenêtre et balcon sur le boulevard, séjour de 3 mois au moins, arriverait 10 avril, réponse New York, colonel Chamberlain. Montrez un peu, dit le reporter. trouvez-vous qu'un gentleman qui se paye une dépêche par câble de 46 mots à 12 francs 50 centimes le mot, plus 131 francs 35 centimes pour la réponse, c'est-à-dire qui dépense 693 francs 85 centimes rien que pour tenir son appartement, mérite d'être présenté à votre public? Le fait est que cela est assez yankee. Combien dites-vous que coûte la dépêche? 693 francs 85 centimes, plus 6 francs par 10 mots pour Londres. Alors c'est un nabab, votre colonel? Mieux que cela, c'est le propriétaire des plus riches sources de pétrole de la Pennsylvanie. Mais alors c'est un personnage, votre colonel, une curiosité? Personne ne le connaît, je vais l'inventer. Dites-moi tout ce que vous savez, ou au moins tout ce que vous pouvez raconter sur lui.